les attaques de hyperventilation ou de panique sont faites par toi-même. C'est toi qui les évoques, c'est toi qui les fais commencer, c'est toi qui les fais finir. C'est dans ta tête. Des gens me disent qu'il se semble qu'ils sont dehors son corps. C'est un état surréel en fait, dans lequel vous vous trouvez à ce moment-là. Et c'est un peu normal car en fait, ton corps pense qu'il y a un lion dans les toilettes. Et qu'est-ce qui s'arrive alors avec ton corps à ce moment-là? Quand le lion te mord, tu dis à toi-même, oui, oui, oui, oh là, oh là, c'est pas normal ça, c'est pas normal. Oh non, non, non, non, non. Tu en peux plus, tu te couches, tu te mets sur le sol, tu commences à... Tu dis... Oh non, je m'envoie une disquette, maintenant. Ah là là, enfin, où est la sortie? Je dois... Non, je dois rentrer, maintenant. Oh shit, pourquoi ça m'arrive maintenant? Pourquoi ça m'arrive maintenant? C'est pas vrai. Tchac! Oh, toilette. Et c'est pas bien.